question d'amour. La question d'amour. La question d'amour. La question d'amour. On a vu la lumière en ce jour de printemps. Des éclairs du tonnerre ont illuminé nos 20 ans. Oh oh oh, plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu sur l'amour. Que le soleil éclate dans le ciel en ce jour. Que ses rayons nous frappent d'espoir et de joie tour à tour. Oh oh oh, plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu sur l'amour. Un bref d'artifice aux multiples couleurs. Car dans ce précipice on a jeté nos cœurs. Toute une vie entière est à nous maintenant. Et les fleurs de la terre s'ouvriront devant nos serments. Oh oh, plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu sur l'amour. Que le monde répète au vent notre avenir. Perdons plus de la tête et nous aurons des souvenirs. Oh oh, plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu sur l'amour. Les étoiles nous escortent avec leurs fils d'argent. L'infini nous emporte et la vie nous attend. Que le monde répète au vent notre avenir. Perdant tout de la tête et nous aurons des souvenirs. Oh, plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu. Plein feu sur l'amour. Plein feu sur l'amour. Plein feu sur l'amour. Plein feu sur l'amour. Plein feu sur l'amour.